Bon, je vais un peu vite. Un autre qui a été assez amusant, ça a été le hold-up que j'ai fait contre l'apartheid au siège de la Société Générale à Jean Médecin. Bon, c'était l'époque en 75 où Jacques Médecin avait jumelé la ville de Nice avec la ville du Cap, qui était encore, disons, sous sud-africaine. Donc, c'était, j'estimais, un acte de racisme absolu. Donc, j'ai décidé de faire un acte symbolique contre ça. Donc, comme ma famille est de Saint-Étienne, de naissance, j'ai demandé à mes amis, c'est des célèbres fabricants d'armes qui s'appellent Vernet Caron, je leur ai demandé un canoncier. Parce qu'ils avaient en fait des canonciers, ils avaient 3 000 canonciers qui restaient de la guerre d'Algérie pour les colons. Et la guerre d'Algérie s'étant terminée, ben, ils étaient restés avec leur stock de canonciers. Parce que le canoncier étant une arme de malfrat, donc, ou de colon, je ne sais pas si c'est pareil. Donc pour se défendre, donc, ils avaient ça. Et alors donc, je suis arrivé au siège de la Société Générale à Nice avec un sombrero à la Pancho Villa. J'avais des cartouchières sur la poitrine, un masque de mort, un porte-voix de signalisation pour hurler. Et donc j'avais mon canoncier, parce que ce dont j'avais peur, c'est pas d'être descendu, disons, à la limite par la brigade anti-gang, parce que je m'étais renseigné à quelle heure il passait et tout. Nice, c'est la ville du carnaval. Donc j'avais peur qu'en arrivant, quelqu'un dise, à la limite, c'est esclave, et dise, qu'est-ce que c'est que ce guignol? C'est pas encore carnaval, voilà. Donc j'avais un canoncier. Le canoncier, personne bouge, parce qu'on sait que c'est l'arme, voilà. Donc je suis monté sur une table, j'ai tiré 2 coups en l'air. J'avais demandé à ce moment-là, c'était moi, j'avais un jardinier de mettre de l'étoupe, mais je sais pas ce qu'il a mis dedans, ça a fait un trou comme ça dans la banque, là. Et puis j'ai passé le canon et je leur ai dit que je voulais 1 franc symbolique, mais avec l'inflation, j'avais demandé 10 francs. Donc j'ai demandé 10 francs et je suis sorti avec mes 10 francs comme ça. Et là où j'étais en danger, c'était à la sortie. Donc je suis sorti, au lieu de courir, je suis sorti comme les parades américaines de soldats, le fusil sur le côté et puis la grande parade, la parade très lente. Et heureusement, parce qu'il y avait 2, 3 policiers qui étaient là et ils étaient tous à genoux avec leurs 45 et ils m'ont dit que je serais sorti en courant. Bon, ils tiraient sur les jambes, bien sûr, voilà. Donc, alors, bon, il y a eu un procès pour une fois, parce que la grande technique de l'État contre moi, toutes les actions que je fais, c'est de dire, c'est un ringard, on n'en parle pas, il fait ses exhibitions, voilà, bon, ça intéresse personne, donc jamais ils m'ont poursuivi, là on va y venir, parce que, bon, avec ce que j'ai fait, ils ont été obligés, donc, et cette fois, donc j'ai été quand même inculpé de port d'armes avec armes, et de hold-up, quoi, et de, voilà. Donc je suis allé au tribunal de Nice, et c'était juste au moment où l'ONU venait de condamner le sionisme, d'assimiler le sionisme au racisme. Donc je suis allé au tribunal de Nice en imperméable, mais en fait, dessous, bon, j'avais la tête rasée, bon, j'avais pieds nus, et j'avais un pyjama rayé des camps de la mort, avec une étoile jaune sur la poitrine. Non, ça non plus, je crois que je ne le referais pas, puis je ne pourrais peut-être pas le refaire. Donc, il y avait un monde fou, parce que tout le monde, à Nice, il y avait, je sais pas, 500 personnes au tribunal, on refusait les entrées. Et quand le président m'a passé la parole, j'ai dit que j'allais me livrer un acte, que je priais le tribunal de ne pas considérer comme une offense. Alors, le président a dit, je vous interdis toute manifestation, et voilà. Puis, sans l'écouter, j'ai enlevé mon imperméable, et je suis apparu en déporté des camps de la mort et tout. Donc, ça a fait un scandale terrible, un procès. Du coup, j'ai rien eu du tout. J'ai été condamné à, je crois, 500 francs d'amende. Enfin, comme d'habitude, ils se sont dégonflés, quoi.